Je découvre cette planète. À première vue, elle a l'air belle. Vue de haut, de là où je suis. Avec ses mers, ses montagnes, les paysages sont beaux. Il doit y faire bon vivre. À y regarder de plus près, ce peuple est étrange. Il semble y régner une certaine régularité de l'esprit. Mais que fait là cette nuée de petits parasites qu'on voit partout? Allons voir. Quand on se rapproche de plus près, ce n'est pas la même chose. Ça pue. Ça pue le carbone à plein nez. Depuis toute petite, on m'a appris que c'était mauvais. Que ça tuait, y compris les univers. Ça nous touche, au sens propre comme au figuré. Ça contamine l'univers tout entier et le bien-être céleste. Quand tu réfléchis, ça revient à ne consommer que tes propres cendres. Consommer du carbone, c'est consommer nos cendres. J'étais là à m'interroger quand tout d'un coup, un autochtone m'interpella. Il faut dire que j'avais pris l'apparence de la première passante venue. Mais je n'étais dans n'importe quel quartier non plus. La rue qui glisse. Quoi qu'il en soit, un homme me parle. Mais je ne le comprends pas. À voir sa mobilité musculaire faciale, j'en déduis qu'il est très intéressé par ma personne. Je vois bien qu'il ne me veut pas de mal, il cherche à rentrer en contact, c'est tout. J'étais loin de m'imaginer ce que ça voulait dire quand il m'a signifié ça. Ce que c'était une mise en contact. Pour un humain,